La Bible David Martin 1855. Le Saint Évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait, n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant au monde. Elle était au monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Il est venu chez soi, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire, comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean a donc rendu témoignage de lui, et a crié, disant, « C'est celui duquel je disais, celui qui vient après moi, mes préférés, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique, qui est au sein du Père, est celui qui nous l'a révélé. Et c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, et des Lévites pour l'interroger, et lui dire, « Toi, qui es-tu ? » Car il l'avoua, et ne le nia point, il l'avoua, dis-je, en disant, « Ce n'est pas moi qui suis le Christ. » Sur quoi ils lui demandèrent, « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu, afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés, que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Or ceux qui avaient été envoyés vers lui, étaient d'entre les pharisiens. Ils l'interrogèrent encore, et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es point le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, et leur dit, « Pour moi, je baptise d'eau, mais il y en a un au milieu de vous, que vous ne connaissez point. C'est celui qui vient après moi, qui m'est préféré, et duquel je ne suis pas digne de délier la courroie du soulier. » Ces choses arrivèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain Jean vit Jésus venir à lui, et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui duquel je disais, « Après moi vient un personnage qui m'est préféré, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais point. » Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu à cause de cela baptiser d'eau. Jean rendit aussi témoignage, en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais point, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, et se fixer sur lui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage, que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Le lendemain encore, Jean s'arrêta, et avec lui deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples l'entendirent tenant ce discours, et ils suivirent Jésus. Et Jésus se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, c'est-à-dire, maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez, et le voyez. » Ils y allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il était environ 10 heures. Or André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui en avait ouï parler à Jean, et qui l'avait suivi. Celui-ci trouva, le premier Simon son frère, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire, le Christ. » Et il le mena vers Jésus, et Jésus ayant jeté la vue sur lui, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, c'est-à-dire, Pierre. Le lendemain Jésus voulut aller en Galilée, et il trouva Philippe, auquel il dit, « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël, et lui dit, « Nous avons trouvé Jésus, qui est de Nazareth, fils de Joseph, celui duquel Moïse a écrit dans la loi, et duquel aussi les prophètes ont écrit. » Et Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens, et vois. » Jésus aperçut Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus répondit, et lui dit, « Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël répondit, et lui dit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit, et lui dit, « Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois, tu verras bien de plus grandes choses que ceci. » Il lui dit aussi, « en vérité je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. »